السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في ذكر مزيلات قسوة القلب، ورأينا أنها متعددة، منها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى كذلك الإحسان إلى اليتامى والمساكين. Nous sommes toujours dans la citation des choses qui adoucissent le cœur. L'auteur rahimahullah ta'ala a cité les vocations d'Allah, particulièrement lorsque le cœur réagit avec la langue. Aussi, nous avons cité, bien l'auteur a cité, al-ihsan al-yatam al-masakin, la bienfaisance envers les orphelins et les pauvres. Le fait d'être bienfaisant envers les orphelins et les pauvres, c'est une cause pour avoir la douceur du cœur. Celui qui prend soin des faibles, qui dépense pour eux, qui leur accorde du temps et fait ce qui est possible pour alléger leurs difficultés, Allah Azza wa Jal le rétribue en lui accordant du bien. Et parmi ce bien-là, la douceur du cœur. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها كثرة ذكر الموت. L'auteur nous dit, parmi les causes qui amènent la douceur du cœur, donc qui font disparaître la dureté du cœur, il y a كثرة ذكر الموت, le fait de beaucoup évoquer la mort, le fait de beaucoup se rappeler la mort. ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها تشكو إليها القسوة، أي قسوة قلبها، فقالت أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت ففعلت فأنست من قلبها رشدا أو رشدا فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها. وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. وروي مرسلا عن عطاء الخراساني قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استعلاه الضحك فقال شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات. قالوا وما يكدر اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. Donc parmi les causes qui dissipent la dureté du cœur, le fait de se rappeler souvent la mort. Et ceci nous a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a cité ici Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Je te rappelle le moment où tu vas être amené à te séparer de ce bas monde, à te séparer de ce que tu aimes, de ce que tu as connu, à quitter tes richesses. Naam. Celui qui se rappelle de la mort se détournera de la dunya. Et la dunya est une des grandes causes qui amène la dureté du cœur. Donc plus la personne se détache de la dunya, plus son cœur sera tranquillisé par le rappel d'Allah Azza wa Jalla et répondra à l'exhortation. Donc plus il sera doux. Celui qui se rappelle la mort, il se rappellera sa finalité, son retour vers Allah Azza wa Jal. Il se rappellera que cette dunya, elle ne reste pas. Ça n'est qu'un lieu de passage. Il se rappellera le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abdullah ibn Omar. Na'am, kun fi dunya ka anna karari ou abira sabil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, soit dans ce, à Abdullah ibn Omar, soit dans ce bas monde, comme si tu étais un voyageur ou un simple passe. Kun fi dunya ka anna karari ou abira sabil. Na'am. Ou un simple passant. Et Abdullah ibn Omar a tiré profit de cette exhortation au point où il disait aux gens, lorsque tu arrives le matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu arrives le soir, n'attends pas le matin. Et prends de ta bonne santé pour tes jours de maladie et de ta vie pour ta mort. Donc c'est exactement ce à quoi on nous appelle. C'est exactement ce à quoi on nous appelle. Nous rappeler de la mort afin de tirer profit, na'am, de cela, en délaissant les choses de la dunya qui ne sont pas profitables et en prenant nos provisions. Le rappel de la mort fait bouger les cœurs, les adoucit les cœurs, fait couler les larmes et permet aux gens de revenir vers la réalité pour laquelle ils ont été créés. Adore Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, prendre ses provisions pour le rencontre d'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Akthiru dhikra hadhi min ladhat, ce hadith a été rapporté par Ibn Majah, Tirmidhi an-Nasa'i, l'imam al-Albani nous dit qu'il est authentique, rahimahumullah. Donc rappelez-vous souvent celle qui détruit les plaisirs. Rappelez-vous souvent celle qui détruit les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Ici, l'auteur rahimahullah ta'ala nous raconte une histoire. Une femme est venue voir Aïcha radiallahu anha pour se plaindre à elle de la dureté, c'est-à-dire de la dureté de son cœur. Aïcha lui a répondu, Akthiri dhikra al-maut. Rappelle-toi souvent de la mort. Rappelle-toi souvent de la mort. Cite beaucoup cette chose. Yariqa qalbuk. Elle lui a dit, ainsi ton cœur s'adoucira. Ainsi ton cœur s'adoucira. Wa taqdirina ala hajatik. Et tu auras la capacité de faire ce que tu veux. Yani, d'assouvir ton besoin. Qalat fa fa'alat. Cette femme a suivi le conseil de Aïcha. Plus tard, elle est revenue. فَأَنِسَتْ مِنْ قَلْبِيَا رُجْدًا. En faisant cette action, se rappelant souvent la mort, en citant souvent la mort, elle a ressenti une droiture, une amélioration dans son état. فَجَاءَتْ تَشْكُرُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Elle est donc revenue voir Aïcha, na'am, pour la remercier de son, pour son conseil. Et plusieurs parmi les pieux prédécesseurs, parmi eux Saïd ibn Jubayr, Rabi' ibn Abi Rashid, disaient لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. Notez cette parole. Plusieurs parmi les anciens disaient, et parmi eux Saïd ibn Jubayr, Rabi' ibn Abi Rashid, يقولون, il disait, لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة. Si le rapport, si le rappel de la mort se séparait de nos cœurs, ne serait-ce qu'un temps, si le rappel de la mort se séparait de nos cœurs, ne serait-ce qu'un temps, ici une heure, pour dire un moment, la fasadat qulubuna, nos cœurs seraient détruits ou anéantis. Et yani pour eux, le fait de ne pas se rappeler la mort un instant ou un moment ou une heure, na'am, c'est une cause pour avoir un cœur mort, un cœur dur. Donc comment est-ce qu'ils soignaient leur cœur? Bidhikril maut, bil ikthar min dhikril maut, en citant beaucoup la mort, en se rappelant beaucoup la mort. Donc ça, c'est un remède pour les cœurs durs. Wa fi sunan ani nabi sallallahu alayhi wa sallam akthiru dhikra hadhi min ladhat al-maut. Rappelez-vous souvent, citez souvent celle qui brise les plaisirs, la mort. Celle qui brise les plaisirs, la mort. Quel que soit le plaisir, la mort vient le couper. Que ce soit le fait d'amasser l'argent, que ce soit de construire des édifices, que ce soit de construire une maison, que ce soit la vie de couple, que ce soit les enfants, que ce soit la santé, que ce soit les assises, que ce soit l'étude de la science, quelle que soit la chose, la mort elle vient et elle le coupe. Sauf ce que tu as réuni comme bonne action. Il n'y a que ça qui va te suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit يَتْبَعُ الْمَيِّتُ ثَلَاثٌ. Il y a يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ. Il y a trois choses qui suivent le mort. Naam. Quelles sont ces trois choses? أهله ماله وعمله. يرجع اثنان. يعني il y a trois choses qui suivent le mort, il y en a deux qui reviennent. Naam. Quelles sont les deux choses qui reviennent? Ses biens et sa famille. Il reste avec lui qu'une seule chose. Laquelle? Ses bonnes actions seulement. Que ses bonnes actions? Ses actions. Naam. Ses actions. Donc ce qui reste avec toi, c'est tes actions. Est-ce que les gens accordent plus d'importance à leurs actions ou bien à leur famille et leurs biens? S'ils sont les sincères envers nous-mêmes. Yani, combien d'heures sur 24 heures, combien d'heures tu donnes dans la préparation de ton au-delà? Les bonnes actions, ce qui va rester avec toi, ce que tu vas trouver yom al-qiyam, ce sur quoi tu vas être jugé, ce qui va être la cause de ton entrée au paradis, inshallah, ou... Naam, wallahu musta'an. Donc sur 24 heures, combien de temps est-ce qu'on adore, on adore Allah Azza wa Jalla? On apprend, on met en pratique, on transmet, on endure. Pourtant c'est ce qui reste, subhanallah, c'est ce qui reste. Aina al-muluk. Prenez les rois de dunya, ceux qui ont le plus possédé. Ceux qui ont le plus possédé. Où est-ce qu'ils sont? Farakud dunya, ils ont quitté ce bas monde. Et ils ont quitté ce bas monde sans emporter, na'am, ce qu'ils avaient amassé. Et parmi les habitudes des kuffar chez les madha, que ce soit chez les Grecs anciennement, ou comme le faisaient les pharaons ou autres, ils étaient enterrés avec plein de richesses. Non, on les enterrait avec plein de richesses. Est-ce que cela leur sera profitable? Non, ça ne sera pas profitable. La personne, elle meurt. Les gens pleurent sur lui un peu. Puis pour longtemps, ils l'oublient. Non, ils reviennent avec tes biens et ils les partagent. C'est pour cela que ton argent, ce qui t'appartient réellement, c'est ce que tu as avancé pour Allah Azza wa Jalla. Quant à ce que tu as gardé, en vrai, c'est pas à toi ça, tes héritiers. Ils vont se partager ton argent. Et ça ramène même des fitains dans certaines familles qui ne craignent pas Allah Azza wa Jalla. Donc ils vont se partager ton argent. La femme, soit elle va rester ainsi, soit elle va se remarier. Et tes enfants seront au service d'une autre personne. Malgré ça, tu donnes la plus grande importance à ta famille et à tes biens. Alors que tu vas les laisser ici, où ils vont te laisser ici? Quant à ce qui reste réellement, c'est l'amal. Ce pourquoi tu as été créé. C'est pour cela que Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Muhammad, ish ma shi't fa innaka mayyit. Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Oh Muhammad, vis autant de temps que tu souhaites. Dans tous les cas, tu mourras. Naam. Et aime qui tu veux. Fa innaka mufariqu. Quoi qu'il en soit, tu t'en sépareras. Sahih. La personne, elle meurt et elle se sépare de ses bien-aimés. L'enfant décède et la mère n'a pas assez de pouvoir pour garder son enfant malgré la grande miséricorde qu'elle lui donnait dans ce bain. Les parents décèdent et l'enfant ne peut retenir ses parents. L'épouse décède et le mari ne peut retenir son épouse. Elle kullu yamut illa rabbul izzati wal jabar. Tout le monde est voué à mourir, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna. Allah azza wa jalla nous dit, donc sur la traduction, toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que se fera votre retour. Donc le fait de beaucoup citer la mort, ça va te distraire des fitnes de dunya, ça va te distraire de ce bas monde, ça va te rappeler ce pourquoi tu as été créé, ça va te pousser à te repentir, ça va t'appeler à prendre tes provisions. Naam, Allah nous dit dans le Coran, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. C'est-à-dire Yom al-Qiyam. Et craignez Allah. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Puis Allah Azza wa Jal nous cite les différentes catégories de personnes. Et Na'am. Et l'effet par la suite, l'effet du Qur'an. Puis il se décrit à nous à travers ses noms, à travers ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Lisez la dernière page de Suratul Hashr. Et lisez la sourate entièrement, Inch'Allah. Qu'est-ce qui nous aidera à nous rappeler la mort? Plusieurs choses. La plus grande cause, tilawatul Qur'an bitafakkur, le fait de lire le Qur'an avec méditation. Naam, lorsque tu lis le Qur'an, tu verras les récits des peuples passés. Où est-ce qu'ils sont? Naam, qu'ont-ils reçu? Qu'a fait Allah Azza wa Jalla de Fir'aun, de Haman, de Qaroun, du peuple de Amazahad et de Thamoud? Lisez leurs histoires. Naam. Chaque peuple, on nous raconte, yani pour beaucoup de peuples, on nous raconte leur histoire dans le Coran. Ça te rappelle la mort. Les versets qui nous parlent de Yom al-Qiyam, du paradis, de l'enfer, du jugement, et ainsi de suite. Tout ça, ça nous rappelle la mort. Le meilleur livre, naam, la meilleure exhortation, le meilleur rappel sur la mort, c'est le Coran. C'est le Coran. Parmi les grandes causes, et ça viendra juste après, le fait de visiter les tombes, les cimetières. Al-ziyaratu shar'iyya. Parmi les grandes causes, mujalasatu salihin wa hudur majalisi dhikr. Parmi les grandes causes, le fait de fréquenter les gens pieux. Les gens de la dunya, ils ne te rappellent pas la mort, ils la fuient parce qu'ils ne sont pas préparés pour elle, pour sa rencontre. Naam. Donc ils n'aiment pas citer cette mort. Les kuffar, lorsqu'ils meurent, ils se font habiller, décorer, tout ça pour oublier au maximum la mort. Naam, ils détestent la mort parce qu'ils ne sont pas préparés pour ce jour-là. Naam. Alors que les pieux prédécesseurs qui eux se préparaient disaient, yani, si ce n'avait pas été la lecture du Coran, la prière de nuit et les assises de science, je n'aurais pas aimé vivre dans ce bas monde. Naam. Wa hakadha. Le fait d'assister aux assises de science, c'est dans ces assises que tu vas entendre parler de la mort. Dans ces assises que ton cœur va se réformer. Dans ces assises que tu vas prendre conscience de cette grande chose qui t'attend. La rencontre avec Allah, le jugement, la mort avant cela, l'épreuve de la tombe, et ainsi de suite. La résurrection, as-sirat. Encore une fois, l'importance des bonnes fréquentations. Et les savants ont cité beaucoup de fawaïd du rappel de la mort. Minha al-hathu al-isti'dad lil-maut qabla nuzuli. Premièrement, le fait de qu'il y ait un encouragement quant à la préparation pour l'au-delà en faisant de bonnes actions. Celui qui se rappelle la mort, c'est-à-dire qu'il trouvera une force, un encouragement, une motivation pour faire de bonnes actions. Deuxièmement, yuhawwinu 'ala al-'abdi masa'ib ad-dunya. Ça allège les malheurs dans ce bas monde pour au serviteur. Ça allège au serviteur les malheurs dans ce bas monde. La personne, par exemple, perd de l'argent, perd son travail, ou elle tombe malade. Mais à ce même moment, elle entend qu'un tel est décédé. À côté de son épreuve, Ou bien cette chose à côté de son épreuve, ce n'est pas comparable. Donc elle se dit Alhamdulillah. Yani sa maladie, elle la voit comme un bien à côté de celui qui vient de perdre la vie. Naam. Celui qui reçoit par exemple une injustice, il sait qu'on va tous mourir et revenir vers Allah et Allah va juger. Naam. Donc il est mutma'in, il est tranquille. Même si on ment sur lui, même si on lui fait du zulm, il est complètement mutma'in. Il est complètement apaisé, car il sait qu'Allah a tout, que tout a été noté, et qu'Allah Azza wa Jal, ahkamul hakim, c'est le meilleur des juges. Donc pourquoi aller courir à droite, à gauche, et ainsi de suite, parler de ça du matin au soir, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Naam. Et tu vas frapper à la porte d'un tel, et tu cherches des secours à droite et à gauche, et ainsi de suite. Lève tes mains vers Allah Azza wa Jal, et Allah te suffira. Et Allah Azza wa Jal te suffira. Combien parmi les pieux prédécesseurs, on a menti sur eux, ils ont fait du'a, la personne est décédée. Naam. Comme le sahabi qui a été accusé d'avoir volé la terre de quelqu'un. Il a dit, subhanallah, comment est-ce que j'aurais pu faire cela alors que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui vole de la terre d'une personne, il sera, il tombera dans cette terre où, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai oublié le lafz du hadith. Puis il a invoqué Allah azza wa jalla, ya Allah, si cette femme ment, fait qu'elle décède dans ce jardin-là. Naam. Wallahi, elle est décédée dans ce jardin. Elle marchait, elle est tombée dans un trou, elle est décédée. Hakada. Il n'y a pas de hijab entre la da'wa de l'opprimé et Allah Azza wa Jal. Donc t'es mutma'in, tu sais qu'on va tout le monde va revenir vers Allah Azza wa Jal. Contrairement à celui qui a un tawhid faible, il va appeler un tel. Ah, lui, il a parlé sur moi, lui, il m'a volé, lui. Après, il appelle un tel, après, il appelle un tel, après, il cherche des. Il y a un qui va se mettre dans mon camp et qui est contre moi et qui. Et après, subhanallah, je travaille avec les créatures d'Allah Azza wa Jal, elles sont toutes faibles. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te rendre ton haq. Wajtaghil bi dhikrillah wa ta'atillah, occupe-toi avec le rappel d'Allah, avec l'apprentissage de ta religion. Et laisse ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Aïcha a été opprimée, est-ce qu'elle est partie voir tous les sahaba? Ne savez-vous pas qui je suis? L'épouse préférée du prophète sallam. Naam. La fille de Abu Bakr, le meilleur de la communauté. Non, elle s'est dirigée que vers Allah Azza wa Jal. Allah a révélé du Coran, il l'a innocenté, il l'a secours. Naam. Et quel meilleur secours que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika nunji al-mu'minin. Troisièmement, une parole qui, d'abord, qui appuie le deuxième point, la parole de Hassan al-Basri. Man arafa al-maut, hana alayhi masa'ib ad-dunya. Hassan al-Basri a dit, celui qui connaît ce qu'est la mort. Naam. Celui qui sait ce qu'est la mort. Les épreuves de ce bas monde seront allégées pour lui. Les épreuves de ce bas monde seront allégées. Troisièmement, ça casse le fait de se voir une longue espérance de vie. Certaines personnes, elles pensent qu'il faut être vieux pour mourir. Ou bien elles se disent, moi je vais vivre 80 ou bien 70 ans, bien 60. Et elles font des projets à long terme, mais elles repoussent à plus tard les bonnes actions et le repentir et ainsi de suite. Ou bien le hajj, ou bien la femme, le fait de mettre le hijab, ou bien. Ça, c'est une maladie grave qui s'appelle tolul amal. Le fait de se voir ma'adha, une longue espérance de vie. De penser qu'on va rester très longuement fit dunya. Ben, celui qui se rappelle de la mort, ça casse cette chose-là, ça casse cette maladie. C'est un remède contre cette maladie. L'imam Shafi'i, cité en poésie, Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Prends tes provisions en piété. Prends tes provisions en piété, car certes tu ne sais pas. Idha janna laylun, lorsque le soir ou la nuit va venir couvrir tout cela, yani à la tombée de la nuit, en d'autres termes, hal ta'ishu ila al-fajr. Est-ce que tu vas rester en vie jusqu'au fajr? Tu ne sais pas arriver au soir, est-ce que tu vas vivre jusqu'au matin? فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ. Et combien de personnes en bonne santé sont décédées sans être malades? Sahih. Combien de personnes en bonne santé sont décédées sans être malades? Et parmi les choses étonnantes qu'on a pu vivre, non loin d'ici, à Bobigny, c'est qu'un couple va se coucher et les deux le matin décèdent. Non. Un couple se couche et les deux décèdent. Subhanallah. Allahu ala kulli shayin qadir. Allah Azza wa Jal est parfaitement omnipotent, il fait ce qu'il veut. Ne pense pas que la mort est pour les malades ou pour les personnes âgées ou pour les autres. Aujourd'hui, tu entends Fulan Mat, un tel Mat, c'est la salle de janaza de un tel. Ben, rappelle-toi le jour où c'est ton nom qui va être prononcé. Aujourd'hui, on lave les gens. Sache qu'un jour, c'est sur toi qu'on va faire couler l'eau. Aujourd'hui, on couvre les gens, on dénude les gens. Demain, c'est toi qu'on va couvrir et c'est toi qu'on va dénuder. Aujourd'hui, on pleure les gens. Demain, c'est toi qu'on va pleurer. Aujourd'hui, tu pleures les gens. Demain, c'est sur toi que ta famille va pleurer. Aujourd'hui, tu enterres les gens. Demain, wallahi, c'est toi qui seras enterré. Qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Combien de péchés? Combien de personnes opprimées? Mais malheureusement, peu de bonnes actions. Peu de repentir. Wallahu al-musta'an. Parmi... Après, il continue, rahimahullah ta'ala, il dit « Wa kam min saqimin aasha hinan min ad-dahri » Et combien de personnes malades ont vécu encore longuement? Quatrièmement, « Yuzahidu fi dunya wa yurdi bil qalili minha » Le fait de se rappeler la mort te permet de te détourner de ce bas monde et d'être satisfait quand tu en as un peu. Non? Quelqu'un, par exemple, qui vit une situation de pauvreté, il se peut qu'il ne soit pas satisfait, mais quand il se rappelle la mort, il sait que ça n'est qu'un lieu de passage. Naam. Et que pour les personnes pieuses, on a préparé un paradis vaste comme les cieux et la terre. Donc il n'a que faire par la suite de ce bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait sur des nattes de palmiers. Omar ibn Khattab est entré chez lui. Il a vu son flanc affecté par cela. Naam. Il s'est mis à pleurer. Le prophète sallam lui a dit, que t'arrive-t-il, Ibn al-Khattab? Il lui a dit, ya Rasulallah, le roi des Romains, des Perses, ils ont les ruisseaux qui coulent sur leurs pieds, ils ont telle et telle richesse, et toi tu es le meilleur, et voici ce que tu possèdes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Omar, n'agrées-tu pas que ces gens-là partent avec la dunya et nous avec l'au-delà? C'est sur ça qu'il a éduqué ses compagnons. C'est pour ça que Omar al-Khattab n'avait que faire de ce bas. Même lorsqu'il était le calife, il avait peu de vêtements. Il interdisait à ses enfants de rentrer trop dans la dunya. Et il disait que ceux qui étaient meilleurs que moi, c'est-à-dire Abu Bakr al-Khattab sallam, n'avaient pas cela. Et lorsqu'il voyait des bienfaits, des fois, il pleurait. Il voyait des bienfaits, nous on se réjouit. Lui, il pleurait. Pourquoi? Il disait que ça n'est pas un signe qu'Allah t'aime. Ceux qui étaient avant lui n'ont pas eu cela. Ceux qui étaient avant lui n'ont pas eu cela. Car à l'époque d'Omar al-Khattab, il y avait beaucoup de conquêtes et de richesses. Et de richesse, c'est chez les musulmans. Cinquièmement, يُرَغِبُ فِي الْآخِرَةِ وَيَدْعُوا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Cinquièmement, ça nous appelle à faire des bonnes actions et à nous préparer pour l'au-delà. Ça nous encourage à faire de bonnes actions et nous préparer pour l'au-delà en obéissant Allah Azza wa Jalla et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se rappelle la mort, il se rappellera de sa tombe. Celui qui se rappellera de sa tombe se rappellera de la résurrection. Celui qui se rappelle de la résurrection se rappellera du jugement. Celui qui se rappelle du jugement se rappellera de la remise des livres, des feuillets. Celui qui se rappelle de cela se rappellera du sirat et du paradis et de l'enfer et des délices et des châtiments. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se préparer pour ce jour, pour espérer entrer au paradis et éviter l'enfer. Sixièmement, yamna'u at-tawassu'. Ça t'empêche de rentrer en profondeur dans les plaisirs de ce bas monde. Naam, de donner trop de temps et d'importance aux plaisirs de ce bas monde. Mais il va prendre de sa dunya biqada. Naam, avec juste mesure. Ça n'est pas interdit, bien sûr, que de profiter de ce bas monde. Naam, ou de prendre des richesses, ainsi de suite. Mais le fait de trop rentrer en profondeur au point d'être distrait du but pour lequel nous avons été créés, c'est cela qui est blâmable. Septièmement, ça nous pousse au repentir. Car tu sais qu'un jour viendra où tu ne pourras plus rien faire. Parmi les conditions du repentir, le fait que ce soit encore le temps pour toi. Naam. Donc la personne, elle doit savoir qu'un jour elle va mourir, elle ne pourra pas demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Donc, maintenant que tu es encore en vie, prépare-toi. Un des plus près des sœurs a voulu conseiller son frère. Il lui a dit, viens, on va visiter des frères à nous. Il lui a dit, d'accord. Il l'a emmené, il a marché avec lui jusqu'à atteindre quel endroit ? Le cimetière. C'est étonné. Puis, il lui a dit, regarde, c'est mort. Si tu étais à leur place, qu'est-ce que tu aurais espéré ? Quelle aurait été la chose que tu aurais le plus aimé ? Il lui a dit, revenir dans ce bas monde pour agir et faire de bonnes actions. Il lui a dit, ben aujourd'hui tu es dans cette chose-là, dans cette situation. Naam, aujourd'hui tu es dans cette situation. Donc ça, c'est quelque chose de muhim. Que de se rappeler la mort pour se repentir et va corriger ce qui est passé. Corriger ce qui est passé. Comme l'a dit Al-Fudayl ibn Adb ibn Hassan al-Basri, un des plus prédécesseurs, Ahsin fi ma baqi yughfar laka ma madha. Agis bien pour ton futur, il te sera pardonné le passé. Naam. Celui qui, par exemple, a 70 ans, il était dans les péchés, il était dans le shirk, il allait voir les voyants, ou bien il faisait du sihr, il volait, il faisait ses salats, c'était un mouchrik. À 70 ans, s'il délaisse ça, il revient vers Allah, il se repent, il se convertit. Là, j'ai pris les cas extrêmes, mais même si c'est un musulman et qui faisait des grands péchés, il délaisse cela, il se repent. Et il lui reste 2 années, par exemple, de sa vie. Il jeûne, il adore Allah Azza wa Jal. Naam, mais Allah Azza wa Jal lui pardonne ce qui est passé. Allah Azza wa Jal lui pardonne ce qui est passé. Et lisez Suratul Furqan, la fin de Suratul Furqan, dans Wasf, Mada Sifati Ibad al-Rahman, la description des. Ibad al-Rahman, des serviteurs du tout miséricordieux, l'élite des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, wa Ibad al-Rahman, alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna, wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama, walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, ila an qala subhanahu wa ta'ala, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil-haqqi, wa la yaznun. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. الله عز وجل nous décrit les serviteurs du tout miséricordieux en disant qu'ils sont humbles lorsqu'ils marchent sur la terre, et lorsqu'une personne ignorante leur parle, ils lui disent paix, jusqu'à arriver au passage où Allah Azza wa Jal nous dit, et ceux qui n'invoquent pas en dehors d'Allah autre divinité, ils ne commettent pas de shirk, ils ne commettent pas le meurtre, ils ne commettent pas l'adultère. Puis Allah Azza wa Jal nous dit, sauf celui qui se repent, croit, fait de bonnes actions, à ceux-là Allah Azza wa Jal transformera leurs péchés en bonnes actions. Subhanallah. Transformera leurs péchés en bonnes actions. Il y a un hadith qui nous amène ce sens-là également. Un homme est venu voir le prophète sallam et il lui a dit, j'ai fait tel et tel péché, j'ai tout fait. Et puis il est venu questionner sur le repentir. Le prophète sallam lui a dit, yani, repens-toi, fais de bonnes actions, ça effacera cela. Puis l'homme lui a dit, est-ce que là, il est Allah fait partie des bonnes actions? Il lui a dit, là, il est Allah, c'est la meilleure action. Naam, la ilaha illallah est la meilleure action. Et il nous dit que la mauvaise action efface la bonne action efface la mauvaise. Naam. Sixièmement, septièmement, huitièmement, yuraqiqu al-qalb, ça adoucit le cœur. Wa yudmi'u al-'ayn, ça fait couler les larmes. Wa yatrudu al-hawa, et ça chasse les passions. Celui qui se rappelle la mort, ça va adoucir son cœur. Naam, ça va adoucir son cœur. Combien parmi les grands criminels sont repentis à Allah Azza wa Jalla et revenus à la droiture après un décès dans leur famille? Ils étaient dans les pires péchés. Suite à un décès, tu ne les reconnais plus. Ils reviennent à Allah Azza wa Jalla, ils reviennent à la sunna. Et ils dépassent beaucoup de ceux qui étaient avant eux dans la religion. Naam. Donc ça adoucit le cœur, ça fait couler les larmes et ça éloigne des passions. Celui qui suit ses passions, lorsque tu lui rappelles la mort, il se rappelle de la vérité. Il n'y a pas d'échappatoire, on va revenir à Allah Azza wa Jalla. Donc ça ne sert à rien de suivre ses passions. Neuvièmement, yad'u ila tawadhu' wa tarki al-istikbar. Neuvièmement, ça nous appelle à être humble. Celui qui se rappelle la mort, il ne s'élève pas, il ne cherche pas à s'élever au-dessus des serviteurs, car il sait qu'il a été créé de turab, de maza, de terre, et qu'il va revenir à la terre. Le roi revient à la terre, l'esclave revient à la terre, l'homme revient à la terre, la femme revient à la terre. Donc à quoi bon s'élever au-dessus des serviteurs d'Allah Azza wa Jal? Na'am, alors que nous avons la même finalité et la même base. Donc ça appelle à délaisser l'injustice, l'orgueil, et ainsi de suite. Dixièmement, yad'u ila al-musamaha. Ça nous appelle à nous pardonner, nous excuser mutuellement. Lorsqu'il y a un conflit, celui qui se rappelle la mort, il a peur d'avoir été injuste. Na'am, et il a peur d'être la cause de faire entrer en enfer telle personne parce qu'il l'a opprimé. Alors il excuse. Na'am, alors il excuse. Et certaines personnes sont très très dures dans ce domaine-là. Na'udhu billah. Ils se disputent, puis ils ne se parlent pas peut-être des années, des dizaines d'années, des vingtaines d'années, peut-être jusqu'au décès. Peut-être jusqu'au décès. Alors que c'est la paix, c'est le père et le fils, ou bien l'homme et son épouse, ou bien la fille et sa mère, ou bien le frère et son frère, et des gens de la même famille, du même sang. Na'am, ils se disputent et ils ne se parlent plus. Ceci est haram dans l'islam. Ceci est haram dans l'islam, sauf cas exceptionnel. Et ça te pousse à accepter l'excuse des gens. Voici quelques bienfaits du rappel de la mort. Pour finir, وَمِنْهَا زِيَارَةُ الْقُبُورِ وَالتَّفَكُّرُ فِي حَالِ أَهْلِهَا وَمَصِيرِهِمْ وَقَدْ سَبَقَ قَوْلُ أَحْمَدَ الَّذِي سَأَلَهُ ما يرق قلبي قال أدخلي أو أدخلي المقبرة وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الموتى وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة رواه أحمد والترمذي وصححها وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنه ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا. Le point suivant, parmi les choses qui amènent la douceur du cœur, ou bien qui dissipent la dureté du cœur, c'est la visite des cimetières. Le fait de se rendre au cimetière et de visiter les morts. Et méditer sur l'état de ces gens-là et leur finalité. Et la parole de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala est déjà passée lorsque la personne l'a questionné sur ce qui adoucit c'est le cœur, il lui a répondu entre au cimetière. Non, entre au cimetière. Ça se dit adoucissait, on dit adouci. Ou bien on peut dire ceci et cela. Non. Chaque fois, je cherche un français, mais je vois que des arabes devant moi. Les arabes sont forts en français. Naam. N'êtes-vous pas francophone? Vous n'avez pas retenu la phrase? Dans la parole de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, lorsqu'une personne est venue le questionner sur ce qui adoucissait le cœur, est-ce qu'on dit adouci? Ou adoucissait, ou les deux sont possibles. Adoucissait? Vous êtes tous d'accord? Ça, je dis les deux. Si Adam avait été présent, il aurait dit fi tafsil, peut-être. Allah Hadam. Ala kulli. On essaye de s'améliorer lorsqu'on parle, quelle que soit la langue. Donc de visiter le cimetière est une cause pour avoir la douceur du cœur et se préserver, se prémunir ou se soigner de la dureté de sa dureté. Dans le recueil d'Imam Muslim, le hadith d'Abi Hurayra radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: visitez les cimetières, car certes cela vous rappelle, yani les tombeaux, car certes cela vous rappelle la mort. Et ce qu'on entend par la visite des cimetières, c'est la visite légiférée, pas la visite innovée ou dans laquelle il y a du shirk. La visite légiférée, il y a deux grandes faïdas. La première faïda, c'est que c'est ce qui est cité dans ce hadith, c'est te rappeler la mort, te rappeler ta finalité, voir que ces gens ne peuvent plus bouger, ne peuvent plus se repentir, ne peuvent plus revenir pour faire une prière, ni aller demander pardon à un tel, ni embrasser leurs parents, ni conseiller leurs enfants. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc tu te rappelles la mort, ça te pousse à agir, à délaisser le mal et à faire le bien. La deuxième grande faïda, c'est ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire dua pour eux, pour les morts musulmans. Fait de faire dua, comme il nous l'a enseigné sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu demandes à Allah azza wa jal, le vivant qui ne meurt jamais, le hayy alladhi la yamut, de leur pardonner. Mais tu ne demandes pas aux morts. Tu ne demandes pas aux morts, les morts ne peuvent pas t'entendre. Inna ka la tusma'u man fil qubur, wa la tusma'u man fil qubur. Tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans leur tombe. Et d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal parmi ceux qui n'ont pas la capacité de te répondre, c'est du shirk akbar iyadan billah. C'est du polythéisme majeur. Celui qui va au cimetière, qui invoque un mort, il sort de l'islam wal iyadu billah. C'est un mushrik. Il a la religion de Abu Lahab, de Abu Jahl et ces gens-là. Il n'a pas la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Na'am. Les morts ne peuvent rien pour eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils pourraient faire quelque chose pour toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela qu'il nous a interdit d'exagérer envers les personnes pieuses, envers les morts. Il nous a interdit d'élever les fondations, d'élever des édifices sur les cimetières et ainsi de suite. Car tout cela entre dans les causes qui peuvent faire tomber les gens dans le polythéisme. Que ce soit un roi, un enfant, un pauvre, un homme, une femme, on les enterre de la même façon. On met juste de quoi reconnaître la tombe. On met une pierre. On met une pierre. Naam. Pas besoin d'élever, de construire dessus et ainsi de suite. Et malheureusement, dans certains pays, même musulmans, tu trouves cela et tu trouves des gens qui viennent pour égorger auprès de ces tombeaux. D'autres viennent avec leurs enfants malades pour invoquer ces morts. Et d'autres font et font et font. Tout cela fait partie du shirk wal-iyadu billah. Naam. Le mort, il a besoin de tes du'as. Et toi, tu invoques le vivant qui ne meurt jamais, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre hadith, l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit qu'il est authentique. Je vous avais interdit la visite des tombes. Pourquoi? Parce que ça ne faisait pas longtemps qu'ils étaient entrés dans l'islam. D'accord? Donc il les a éduqués, il leur a enseigné. Par la suite, il leur a permis d'aller au cimetière de par les grandes fawaïd, na'am, les nombreuses choses utiles et les mérites et les bienfaits qu'on y trouve. Donc dans un premier temps, c'était interdit pour prendre le temps d'enseigner la aqidah sahiha et ceux qui la contredisent aux compagnons. Lorsqu'ils ont bien compris cela, on leur a permis d'aller au cimetière pour visiter les tombes. Na'am. Puis, il m'est apparu que de visiter les cimetières apportait la douceur du cœur, faisait couler les larmes, rappelait l'au-delà, alors visitez-les. Wala taqul hujra. Hujra, c'est toute mauvaise parole. Hujra, c'est toutes les mauvaises paroles. Pour parler de Ahmed ibn Abid Dunya, l'imam al-Albani, rahimahullah, nous dit que c'est un hadith authentique. وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن صالح التمار قال كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي فاتبعته ذات يوم وقلت والله لأنظرن ما يصنع. محمد بن صالح ندي كصفوان بن سليم se rendait au بقيع le cimetière, et un jour il est passé par moi. Il est passé devant moi. Je me suis dit, ce jour-là, aujourd'hui, je vais savoir ce qu'il fait. Allez, je vais le suivre et savoir ce qu'il fait. قال فقنع رأسه وجلس إلى قبري إلى قبر منها. Il a couvert sa tête et s'est assis en direction d'une de ses tombes. فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِ حَتَّى رَحِمْتُهُ Et il n'a cessé de pleurer jusqu'à ce que j'ai eu pitié de lui. Il est parti tout seul, s'est mis dans un coin, il s'est quelque peu caché et il s'est mis à pleurer. Il a tellement pleuré qu'il nous dit « j'ai eu pitié de lui ». J'ai donc pensé que c'était la tombe d'une personne de sa famille. Une autre fois, il est passé devant moi. Une autre fois, il est passé de la même façon, il s'est rendu au même endroit, mais il s'est mis cette fois-ci à côté d'une autre tombe. D'accord ? À côté d'une autre tombe. Fafa ala mithla dhalik. Et il a fait la même chose. Pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'il a fait ça la même chose, mais dans une autre tombe ? Pour nous dire que ça n'a rien à voir avec les proches ou la famille. C'est pour une autre chose. Fadhakartu dhalika li Muhammad ibn Munkadir. J'ai donc raconté cela à Muhammad ibn Munkadir. Wa qultu inna ma dhanantu annahu qabru ba'di ahli. Et je lui ai dit que je pensais que c'était la tombe d'une personne de sa famille. Faqala Muhammad, Muhammad lui a dit Kulluhum ahluhu wa ikhwan. Tous ces morts-là ne sont que sa famille et ses frères. Na'am, tous ces morts-là, les musulmans sont les frères les uns des autres. Wa inna ma huwa rajulun yuharriku qalbahu bi dhikri al-amwat kullama 'aradat lahu qaswatun. Écoutez cette phrase, subhanallah. Puis Muhammad ibn al-Kadir lui a dit donc ce sont tous sa famille et ses frères. Mais voici bien là un homme qui à chaque fois qu'il ressent une dureté dans son cœur, se rend auprès des morts pour le faire bouger. Et dès qu'il ressent une dureté dans son cœur, il va au cimetière et il fait fondre ce cœur qui ressent une quelconque dureté. قال ثم جعل محمد ابن المنكدر بعد يمر بي ويأتي البقيع. Regardez, subhanallah. Plus tard, Muhammad ibn al-Munkadir avait pris la relève, c'est-à-dire l'action de Muhammad ibn Salih. Et c'est à son tour qu'il passait devant c'est Safwan ibn Sulayh qui faisait cela dans un premier temps. Il passait devant Muhammad ibn Salih. Plus tard, c'était Muhammad ibn Munkadir qui faisait cela. Lorsqu'il ressentait une chose dans son cœur, il se rendait au cimetière en passant devant Muhammad ibn Salih. Fasallamtu alayhi dhata yawm. Je l'ai salué un jour alors qu'il se rendait, donc encore au cimetière. Faqal ma nafa'atka maw'idatu Safwan. Et il m'a dit, tu n'as donc pas tiré profit de l'exhortation de Safwan. Na'am. Tu n'as donc pas tiré profit de l'exhortation de Safwan, c'est-à-dire le fait de travailler ton cœur, de faire attention à la dureté de ton cœur, de te rendre au cimetière pour adoucir ton cœur. Qal fadhanantu annahu intafa'a bima alqaytu ilayhi minha. Car certes, je pensais qu'il avait tiré profit de la leçon que je lui avais donnée. وذكر أيضا أن عجوزا متعبدة أن عجوزا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبر. فعوتبت على ذلك فقالت إن القلب القاسي إذا جفا لم يلينه إلا رسول البلا وأني لآتي وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليه وقد خرجوا من بين أطباقها وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأكفان الدنسة فيا له من منظر لم أسر به ما أنكل مرارة الأنفس وأشد تلفة الأبدان. Ibn Abi Dunya nous cite également qu'une femme âgée qui faisait beaucoup d'adoration parmi le peuple d'Abd al-Qays ou la tribu d'Abd al-Qays allait souvent au cimetière. Il lui a donc été reproché cela. Certaines personnes de science ont dit lui a été reproché cela, c'est-à-dire en référence au rapport, en rapport avec le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La'anallahu zawwaratil qubur » وفي رواية زائرات نعم القبور. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudit celle qui visite les cimetières. Naam, à partir de là, beaucoup de savants disent que c'est interdit à la femme de visiter les cimetières. Naam, c'est légiféré pour l'homme et pas pour la femme. Et il y a une divergence à ce sujet. Faqalat, et celui qui veut plus de temps, il revient encore sur dans Kitab al-Tawhid. Faqalat, puis elle a dit, certes le cœur dur, lorsqu'il s'assèche, rien ne le rend, rien ne l'adoucit mieux que l'envoyé de la mort. C'est-à-dire qu'en se rappelant la mort, son cœur retrouve sa douceur. C'est-à-dire qu'elle va méditer sur la finalité des morts. Naam, ils ne peuvent plus agir, ils ne peuvent plus se repentir, et ainsi de suite. Son cœur s'apaisera et s'adoucira. Elle dit, je me rends près des morts, des tombeaux, et c'est comme si je les voyais sortir de ces couches, c'est-à-dire pour Yom al-Qiyamah, pour le jour de la résurrection. C'est comme si je les voyais, l'imaginer, la résurrection, la sortie des morts de leur tombe. Et c'est comme si je voyais leur visage rempli de poussière, les corps qui ont changé, et les vêtements salis. Oh, comme est effrayante cette vision. Elle ne plaît pas. Et comme est douloureuse cette situation. Wa qala Ziyad al-Numayri, mashtaqtu ila al-buka illa marartu ali. Ziyad al-Numayri nous dit, je n'ai pas eu envie de pleurer sans pouvoir, si ce n'est en trouvant cela. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il voulait pleurer, il arriva à pleurer. La personne des fois écoute le Coran, ou elle est dans la salat, ou bien naam, elle est dans une situation, elle aimerait pleurer par crainte d'Allah Azza wa Jal, mais ses larmes se font attendre. Elle n'arrive pas parce que le cœur est dur, parce qu'il y a des péchés, parce qu'il y a un rempart entre lui et Allah Azza wa Jal. Cet homme nous dit, à chaque fois que je veux trouver ses larmes, je les trouve. Comment ça? Mashtaqtu ila al-buka illa maratu alayhi. Qala lahu rajul. Wa kayfa dhalik? Un homme lui a alors dit, et comment fais-tu? Qala idha aradtu dhalika kharajtu ila al-maqabir. Lorsque je veux cela, lorsque je veux pleurer, je me rends au cimetière. Fajalastu ila ba'di tilka al-qubur. Et je m'assis auprès de l'une de ces tombes. Thumma fakkartu fi ma saru ilayhi min al-bila. Puis je médite sur ce qu'ils ont atteint comme finition, comme finalité. Je me rends au cimetière et je médite sur la finalité de ces morts. وَذَكَرْتُ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الْمُهْلَةِ. Et je me rappelle le temps qui m'a été accordé. C'est-à-dire quand tu es en vie, il te reste du temps jusqu'à ta mort. Ils se rappellent leur finalité à eux, ils n'ont plus de temps, ils ne peuvent plus rien faire. Ils se rappellent que lui est encore en vie, il peut agir. نعم. قال فَعِنْدَ ذَلِكَ تَخْتَفِ أَثْوَارِ. Et à ce moment-là, ma situation change. À ce moment-là, ma situation change. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité quelques vers de poésie qu'il a écrits. Et inshallah ta'ala, la semaine prochaine, on finit. Donc, jeudi prochain, inshallah ta'ala, on finira cette risale, il y a le poème. Puis, encore deux causes. Encore deux causes. Le poème, vous pouvez le trouver sur internet, récité et traduit. Naam, récité et traduit. J'essaie de l'avoir pour la semaine prochaine. Allah Azza wa Jal dans le Coran nous parle de ça. Mais il nous fait ce rappel et nous montre que c'est comme ça qu'il y a la douceur des cœurs. Il nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakum al-takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. La tarawna al-jahim, thumma la tarawnaha 'ayna al-yaqin, thumma la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im. La course aux richesses vous distrait. Alhaakum al-takathur al-shawalatkum. Anil amri alladhi li'ajli khuliqtum. La course aux richesses vous distrait de ce pourquoi vous avez été créé. Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombeaux. C'est-à-dire jusqu'à ce que la mort vous surprenne et que vous soyez enterré. À ce moment-là, tu n'es plus distrait. Donc le rappel de la tombe est une cause pour délaisser la distraction de ce bas-monde. Naam, al-rafla. Mais bientôt vous serez. Naam, vous allez savoir la réalité. Ah, kada, à la fin, on cite les bienfaits sur lesquels on sera questionné. Chaque bienfait qu'Allah Azza wa Jalla t'a accordé, que ce soit la santé, que ce soit la vue, que ce soit l'œil, que ce soit les cheveux, que ce soit la peau, que ce soit les jambes avec lesquelles tu peux te déplacer vers le masjid. Naam, que ce soit la santé, que ce soit l'air que tu respires, que ce soit l'eau que tu peux boire, que ce soit ton épouse, tes enfants, ton argent, sur tout cela tu seras questionné. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn al-Khattab, alors qu'il s'apprêtait à manger une date, sur ce bienfait là tu seras interrogé. Il lui a dit, ya Rasulallah, cette date que je mange, je serai questionné dessus? Il lui a dit oui. Il lui a dit, alors ça ne vaut pas la peine. Une date. Naam, une date. Qu'est-ce qu'on va dire nous alors? Tu rentres chez toi, tu as un frigo, tu n'as que l'embarras du choix sur ce que tu vas boire, sur ce que tu vas manger. On te fait un repas, tu en demandes un autre. Wahakada. Sur tout cela, tu seras questionné. Alors que de te rappeler la tombe, la mort et le retour vers Allah Azza wa Jal, naam, ça te distrait de cette dunya, ça adoucit ton cœur et ça te rappelle la réalité vers laquelle tu vas revenir. L'imam Al-Qurtubi dans son tafsir nous dit, ça suffit comme remède pour celui qui veut soigner son cœur et lui apporter la soumission et la défaire des chaînes de l'humiliation afin qu'il puisse adorer son Seigneur, de se rappeler celle qui brise les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Celle qui coupe les liens avec le groupe. Quand tu meurs, tu te sépares du groupe. Quand il y a un mort, il quitte le groupe. هذه من لذات مفرق الجماعة. Écoutez bien. وميتم البنين والبنات. Et celle qui rend orphelins les petits garçons et les petites filles. La mort. Il faut qu'il se rappelle la mort. Naam, il faut qu'il se rappelle la mort pour soigner son cœur. Et qu'il essaye de voir ceux qui sont en train de mourir. Lorsqu'il y a un malade, lorsqu'il y a une personne qui est en train de mourir, il essaye d'être présent. Naam. Car de voir un mort, de voir quelqu'un qui quitte ce bas monde pour l'au-delà, c'est une grande exhortation. C'est une grande exhortation. Naam. Tu assistes à cela. Naam. C'est une grande exhortation et ça fait fondre le cœur. Et visiter les tombeaux, les morts, les cimetières des musulmans. Voici trois causes qu'il nous faut faire. Les deux premières sont difficiles, mais la dernière est plus accessible, c'est-à-dire visiter les morts. Dans une autre parole, il nous dit « Qala ulama una ». Je traduis directement pour écourter. Donc il parle sur le hadith « Akthiru min dhikri hadhi min ladhat ». Citez souvent celle qui brise les plaisirs. L'imam al-Qurtubi était un grand savant, pourtant il disait très souvent « Qala ulama'una ». C'est un honneur de citer ces ulama et d'être derrière ces ulama. Ce n'est pas une faiblesse. Naam, d'être derrière les ulama, de suivre les ulama de l'Ahl al-Sunna, c'est un honneur et ce n'est pas une faiblesse. Ne vous laissez pas tromper vers ceux qui préfèrent être la tête dans l'égarement que la queue, naam, le dernier maillot de la chaîne, mais dans le haqq et derrière les ulama. Retenez cela, c'est muhim jidd. Naam, retenez cela, c'est muhim jidd. Ne suivez pas ceux qui viennent avec des nouveautés pour se faire connaître. Il nous dit, rahimahullah, que ce hadith citait beaucoup celle qui brise les plaisirs. Kalamun mukhtasaru wa dizun wa qad jama'a tadhkirat wa ajma'a fil maw'idha. Donc cette parole-là, c'est une grande exhortation. Résumée, mais elle englobe toute l'exhortation, tout le rappel. Car celui qui se rappelle réellement la mort, ça va affecter grandement et l'empêcher de profiter dans les plaisirs présents et d'espérer dans le futur d'autres choses. Ça va lui permettre de délaisser ce bas monde. Mais malheureusement, les âmes, yani l'âme, est dans la distraction. Elle a donc besoin, au lieu d'un hadith, naam, très court, elle a besoin de longues exhortations, de longues exhortations. L'âme, akthir ou dhikra hadhi min lazat, c'est suffisant pour le cœur qui est vivant et qui médite réellement la mort. En ajoutant à cela, il a dit la parole d'Allah Azza wa Jal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Mais l'âme est distraite et elle a donc besoin de longues exhortations. Voici ce qu'Allah Azza wa Jal nous a facilité. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله تعالى pour répondre à cette question qu'allons-nous lire après l'étude de ce livre, ce sera des cours sur la préparation du Hajj et de la Umra إن شاء الله تعالى, des cours sur la préparation du Hajj et de la Umra, car le Hajj est très proche, inshallah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous permettre d'effectuer le pèlerinage cette année et beaucoup d'autres années. Donc il y aura des cours sur la préparation du Hajj, inshallah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alameen.